Midi 3, cette belle journée du 15 avril 2015. Et comme avril, eh bien, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi je ne le savais pas, mais c'est le mois de la santé bucco-dentaire. Et ça donne bien qu'aujourd'hui, j'ai avec moi en studio, ben, je vous les présente, j'ai Christian Linard ici. Bonjour. J'ai Joanne Hamel. Bonjour. Et j'ai Robert Duchesne. Bonjour. Qui sont de la Coalition Trifluvienne pour une eau très saine. Alors, ben, bienvenue à vous autres. Merci à vous. Merci d'être là aussi, vraiment. Très important, un dossier qui nous touche et puis qui touche tout le monde, finalement. Alors, Joanne, pouvez-vous vous présenter ou quelque chose du genre, Christian? Oui, on va commencer par moi. Ben oui, on va y aller comme ça en ordre. D'habitude, c'est mieux les dames, mais bon. Ah, désolé, moi j'y vais comme ça. Okay, en ordre, oui. C'est l'équité ici, hein, le véritable. C'est ça. Alors, mon nom est Christian Linard, je suis professeur titulaire ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières. De formation, je suis biochimiste et de spécialisation biochimiste clinicien. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un biochimisticien, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est en charge du laboratoire. Lorsque vous prenez votre taux de cholestérol, votre glycémie, ceux qui sont en charge de mesurer tout ça, d'analyser, de chapeauter tout ça, ce sont les biochimistes ou les médecins biochimistes. Merci. Joanne Hamel. Oui, bonjour. Dany. Oui. Alors moi, je suis tout d'abord enseignante aussi à l'Université du Québec à Trois-Rivières. OK. J'enseigne un cours sur la prévention des maladies professionnelles dans le cadre du certificat en santé et sécurité au travail. Et je suis aussi retraitée maintenant, mais gestionnaire du réseau de la santé. J'ai plusieurs années d'expertise en santé publique. Donc, j'ai travaillé comme gestionnaire dans le réseau. Et je suis aussi porte-parole de la Coalition Trifluvienne pour une eau très saine depuis bientôt maintenant 2 ans, où je m'implique avec beaucoup de passion parce que c'est un dossier qui me tient à cœur. C'est là que je vous ai connu. Bien, pas connu, là, c'est la première fois que je vous rencontre. Et sinon, M. Robert Duchesne, bonjour. Robert Duchesne, bien oui, moi j'étais infirmier. Je suis à la retraite maintenant. J'ai travaillé comme infirmier. Et il y a maintenant plus d'un quart de siècle, j'ai été le premier président du Mouvement Vert Mauricie. Et depuis, je me suis toujours impliqué plus ou moins en environnement dans différentes causes. Merci beaucoup. Aussi co-porte-parole avec Joanne et Philippe Giroul de la Coalition Trifluvienne pour une eau très saine. Parfait. Et puis, Joanne, c'est qui ça, la CTE? ETS, pardon. Alors, c'est une très bonne question. Ben, qui est la Coalition Trifluvienne pour Exactement. Une eau très saine, mais je l'appelle toujours comme ça. Alors, c'est la Coalition Trifluvienne pour une eau très saine. En fait, on est un mouvement citoyen. On n'est pas un OBNL, on n'a pas de charte, on n'a pas de conseil d'administration. C'est un rassemblement, en fait, de tous les citoyens de Trois-Rivières qui désirent avoir une eau très saine sans ajout de fluoreux dans leur eau. Alors, on est bientôt, on est près de 8500 personnes maintenant, parce que c'est grâce à la signature d'une pétition contre la fluoration qui nous permet de dire qu'on est maintenant 8500 personnes qui ne désirent pas d'avoir de fluorure dans leur eau potable. On est un mouvement citoyen, donc, de bénévoles qui ont une différente expertise dans plusieurs domaines. On est un mouvement citoyen aussi qui est membre du réseau Sans Fluor au Québec et aussi de la Coalition Au Secours. On se rencontre régulièrement, les bénévoles. On fait d'ailleurs du porte-à-porte pour signer notre pétition. Robert vous en parlera tout à l'heure des actions qu'on fait. Mais d'abord, c'est surtout vous dire qu'on est un mouvement citoyen de bénévoles qui a à cœur de dire non à la fluoration à Trois-Rivières. Mais quand on dit 9000, c'est des gens qui savent. Il y en a qui ne savent même pas. Des fois, moi, je dis que ça doit comporter beaucoup plus de gens que ça. Moi, je suis d'accord avec toi aussi. On dit 8500, mais plusieurs citoyens ne sont pas au courant exact. Que la fluoration, c'est-à-dire qu'on va avoir des produits chimiques dans notre eau potable d'ici quelques temps. Alors, pour ça, je vous remercie de nous inviter aujourd'hui, de faire connaître à la population, à nos citoyens, à nos étudiants, l'importance de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans notre eau potable, puis pourquoi on met ça, et de dire non, finalement, à la fluoration pour les gens qui n'en veulent pas. Parce qu'en ce moment, il faut le dire, c'est pas fait. Ça a été voté, mais ça serait à l'automne que ça serait fait, je pense. D'après ce que j'ai su hier d'un des conseillers, je me suis informé à M. François Bellil, je crois. Et puis, lui, il me disait que c'est ça, ça serait plutôt vers l'automne que ça se ferait. Les appels d'offres sont prévus dans les prochaines semaines et mois. C'est pour ça qu'il y a quand même une urgence d'agir, de dire que non, il ne faut pas la fluoration, parce que là, on va engendrer des coûts. Il y a une subvention, je vais vous en parler tout à l'heure, une subvention du ministère de la Santé et Services sociaux. Donc, il faut agir assez rapidement, avoir le nombre suffisant de signataires pour notre pétition. Et suite à ça, bien, il va y avoir des dépôts de la pétition, autant au niveau du conseil municipal que l'Assemblée nationale. Oui, exactement. Si c'était plutôt 75 000 ou 100 000 personnes de la population, je pense qu'il y aurait peut-être une écoute encore plus grande. Il faudrait que les gens se réveillent un petit peu. Permettez-vous. Vas-y. Bon, oui, vous pouvez. Il y a Robert Bourassa, cité par l'ex-conseillère Sylvie Tardif. Oui. Qui disait que pour chaque personne qui se prononce, chaque citoyen qui se prononce sur un sujet, il y en a une dizaine qui sont représentés. Donc, les presque 9000 signataires de la pétition doivent sans doute représenter un certain nombre de citoyens. Tout à fait. Tout à fait d'accord avec vous. Monsieur Linard, vous qui êtes le scientifique, le spécialiste finalement, parce que souvent, quand on en parle, puis même moi, j'ai eu une occasion en fin de semaine de jaser avec des gens qui ne connaissent pas ça, puis je me fais dire que moi non plus, peut-être que je ne connais pas ça. Donc, on va s'adresser aux gens qui connaissent ça. Qu'est-ce que la fluoration de l'eau, puis pourquoi fleurer l'eau potable? Qu'est-ce que c'est? La fluoration, en fait, c'est le mot courant, mais le vrai terme, c'est la fluoruration. Okay. Okay? Donc, c'est ajouter un sel de fluor dans l'eau. Okay? C'est ça, en fait. Hein? Au lieu de dire « j'ajoute du sel dans mon eau », ce serait un sel de sodium, donc le sel de table. Là, c'est un sel qui contient du fluor, hein, dont un des éléments est le fluor. Alors, pourquoi on l'ajoute? D'origine, est-ce qu'on a toujours... Les gens pensent que c'est ça, et même des professionnels disent, voilà, on met du fluor pour protéger la carie dentaire. Okay? Alors, premièrement, il faudrait savoir qu'est-ce qui cause la carie dentaire, ça c'est important. En fait, des méta-analyses l'ont bien montré, ce qui cause la détérioration de la dent et la carie dentaire, c'est la malnutrition. En fait, c'est manger des éléments qui sont des sucres rapides, en quelque sorte, et ces sucres vont, une partie va rester dans la bouche, et les bactéries vont se multiplier, vont proliférer, et vont générer des acides organiques. Et ces acides organiques vont, en quelque sorte, gruger la dent, vont dissoudre la dentine. Hein. L'autre phénomène qui est aussi important, qui contient toujours une problématique d'acide, c'est en fait les jus ou les boissons sucrées. Okay, qui ont, donc les sodas, etc., qui ont un pH qui est relativement bas. Et là encore, s'il y a une grande consommation de ces jus et de ces boissons sucrées, il va y avoir donc, une acidité présente dans la bouche, et ces acides vont gruger petit à petit là-dedans. Et donc ça, c'est bien connu. Alors, il y a, d'autre part, pour se protéger, c'est l'hygiène dentaire, l'hygiène nutritionnelle. C'est éviter de consommer des grandes quantités de sucre rapide, d'une part, et d'autre part, de brosser, passer la soie dentaire. Question de mode de vie, un peu, c'est à ça, changer. C'est simple. Alors, d'autre part, que fait, premièrement, le fluor? Le fluor, pour agir sur la dent, il doit agir de façon topique. Okay, c'est-à-dire par le dessus, sur la... Le sommet de la dent, en quelque sorte, sur le pourtour de la dent, et pas par le dedans. C'est-à-dire, il ne va pas agir en le prenant, aller dans la circulation systémique, en se dispersant dans tout le corps, et puis ensuite de ça, arriver sur la dent, et arriver notamment sur la dentine. Okay? Donc, il faut bien comprendre qu'il agit de toute façon de façon topique, sur la dent. C'est ça, c'est à l'extérieur. Alors, regardons ce qui se passe au niveau de la dent. Alors, on va sur la dent. Et dans nos os, c'est exactement la même chose. On a un cristal qu'on appelle l'hydroxyapatite. C'est un cristal. C'est ça qui donne la rigidité à nos os. C'est ça qui donne la dureté à nos dents. Et lorsqu'on ajoute du fluor, on va avoir un autre cristal qui va apparaître. C'est le fluoroapatite. Ce fluoroapatite est beaucoup plus petit et n'a pas la même structure. Hein. En gros, c'est comme si vous demandiez à un enfant de dire, voilà, construis-moi un château fort avec des méga Lego et des Lego, des petits Lego. Okay? S'il fait ça et que moi je l'attaque avec des petites projectiles, très rapidement son château va se détruire. Par contre, s'il prend rien que des méga Lego ou soit des mini Lego, il va avoir une résistance à ses projectiles et donc son château fort va résister. Nous, ce qu'on fait, on met deux cristaux qui ne s'agencent pas. C'est sûr qu'il y a un avantage pour le fluoroapatite. Le fluoroapatite est résistant aux acides. Donc, d'un côté, on pourrait protéger hein, d'une part. Mais cette protection est extrêmement fine. Et dès que vous commencez à manger, cette fine pellicule, qui est encore plus fine qu'un cheveu, va disparaître très rapidement. Okay, donc, de nouveau là, on n'a pas de protection. Alors, c'est à l'immédiat, là, sinon, après quelques temps, après, comme que vous dites, on mange, on boit, ça disparaît. Ça disparaît, OK, très rapidement. On a fait même des expériences. Hein, par exemple, on s'était dit, on pourrait, parce qu'on avait remarqué, comme le cristal de fluoroapatite est beaucoup plus petit, on avait observé, parce que dans l'apatite, il y a du calcium, et donc, on avait observé qu'apparemment, lorsqu'on donnait le fluor, enfin du fluor, il y avait une augmentation de la densité optique, de la densité osseuse, pardon. Et donc, on s'est dit, on fortifie non seulement les dents, mais on fortifie les os. Donc, on a fait une expérience, et l'expérience consistait à donner à des femmes post-ménopausées des compléments de sel des fluors. Okay, on s'était dit, comme ils ont une densité osseuse plus grande, ils vont avoir une rigidité osseuse plus importante, donc moins de fractures osseuses suite à l'ostéoporose. Et en fait, ça a été pire. C'est-à-dire que par rapport au contrôle, il y a eu plus de fractures osseuses dans le groupe qui prenait du fluor que dans l'autre. Et on comprend très bien pourquoi, justement, parce que c'est l'histoire du château. Faire un château fort avec des méga et des mini légos, ça ne marche pas. Alors regardons maintenant du côté biochimique. Okay ? La première chose que tout médecin sait, lorsqu'il veut mesurer de façon stable, par exemple, le glucose dans un échantillon de sang, ou bien le glucose dans le liquide céphalorachidien, on va mettre un préservatif. Okay? Et ce préservatif, justement, c'est du fluorure de sodium. Donc le fluor, un sel de fluor qu'on met. Alors pourquoi on l'ajoute ? Eh bien, c'est simple, parce qu'on va tuer, on va en quelque sorte inactiver certaines enzymes, notamment une enzyme de la glycolyse. Donc la glycolyse ne va plus fonctionner. Alors comment ça marche ? Hein, il faut savoir qu'il y a des enzymes qui font fonctionner au centre de leur action. C'est un peu comme un ouvrier. Prenons un forgeron, par exemple, où il a un marteau et une enclume. Okay ? Et le fluor, il est très électronégatif. Donc ce qu'il va faire, il va enlever le marteau et l'enclume à l'ouvrier. Hein, prenons une secrétaire, imaginons que vous avez un super aimant, le super aimant attire par exemple tout le matériel informatique. Prenons un chirurgien, il peut être le plus excellent chirurgien, mais sans scalpel, ça ne marche pas. Sans outils, ça ne marche pas. Ça marche pas. Okay, donc ce que fait le fluor par son électronégativité, et c'est l'élément dans l'univers le plus électronégatif. Okay. Okay, donc il attire tous les minéraux à lui, en quelque sorte. Et donc, il va attirer l'outil catalytique, hein, le minéral qui était nécessaire à l'enzyme pour fonctionner. Et donc, l'enzyme ne sait plus fonctionner. Donc, à ce moment-là, la glycolyse ne marche plus et il n'y a plus de prolifération, il n'y a pas de prolifération, mais le mécanisme pour tirer l'énergie arrête. Okay, mais on tue aussi d'autres enzymes. Par exemple, les enzymes nécessaires à la réparation d'ADN. Donc, l'ADN, par exemple, vous allez au soleil. Ça n'a pas de discrimination. Ça avale tout. Là. C'est ça. Par exemple, vous avez des enzymes qui sont nécessaires pour réparer l'ADN. Donc là, quand vous allez au soleil, vous détruisez sur votre peau certaines parties de l'ADN et vous avez des enzymes qui réparent cet ADN. Vous les empêchez de fonctionner. Donc, c'est grave. Alors, il y en a d'autres qui ont dit le fluor, on le trouve naturellement dans le corps. Donc, il y a une raison d'être. Et il y en a même qui ont dit, même des professionnels qui ont dit, le fluor, c'est un micro-élément. Or, par définition, un micro-élément, c'est un minéral qui a une activité au sein du corps. C'est-à-dire que, prenons l'iode, l'iode va s'associer à une protéine, et ensuite de ça, à travers la protéine, c'est un acide aminé, la tyrosine, et va former plus tard ce qu'on appelle l'hormone thyroïdienne, la T4. Donc, l'iode, c'est un minéral, a son activité, fonctionne, okay, est associé systématiquement avec une molécule. Hein, on a ça avec le calcium, on a ça avec d'autres, par exemple le phosphore. Hein, dans l'ATP, le phosphore est associé donc à une molécule. Si je regarde le fluor que ce soit dans n'importe quel organisme à travers le monde qu'on connaisse, n'est jamais associé à aucune molécule. Donc, n'a pas de fonction. Okay? Donc, ce n'est pas un micro-élément. Enfin, ce n'est pas un micro-nutriment et il ne va jamais servir. Il n'existe pas de carence en fluor. Personne ne va être malade parce qu'il y a une carence en fluor. Okay? Par contre, un manque d'iode, vous allez avoir des carences en iode. Et il va y avoir des maladies, une maladie hypothyroïdienne. Et si c'est congénital, c'est le crétinisme. Ouais. Mais est-ce que c'est vrai qu'on en retrouve dans le corps à la base s'il n'y en avait pas ailleurs là? Oui, donc s'il y en a dans le corps, c'est parce qu'on en a absorbé soit à travers l'eau ou soit à travers les aliments. Les aliments, par exemple, on a parlé pendant tout un temps qu'il y avait d'arsenic dans le riz. Oui, ça c'est connu depuis longtemps. Okay? Alors, premièrement, c'est à l'état de trace. C'est jamais associé à une molécule. Okay? Ça n'existe pas. Le corps n'a rien à faire avec ça. Il est présent, mais il sera éliminé. Donc, il ne fait que passer. Le problème, en plus, ce qu'on a avec le fluor, c'est qu'il va persister plus longtemps dans le corps. Il y a ce qu'on appelle une rétention du fluor. Donc, il y a certains minéraux qui peuvent durer plus longtemps en fonction des propriétés physico-chimiques de l'élément. Exemple, comme il y a plusieurs années, c'était fluoré ici à Trois-Rivières. Oui. Quand j'étais jeune, ça veut dire qu'il pourrait en rester encore dans nos corps. Là. Alors, petit à petit, mais il y en a toujours un apport qu'on peut avoir par les aliments, par les eaux. Il y en a toujours. Donc, mais les quantités sont faibles. Okay? Là, ce qu'on veut, c'est augmenter donc les concentrations dans l'eau. Puis régulier, je veux dire, c'est toujours. Okay. Moi, je bois 2 litres d'eau par jour. C'est ça. Donc, vous allez l'accumuler sans arrêt. Alors, il y en a qui me disent, est-ce que, par exemple, si je chauffe l'eau, ça va s'évaporer? Non. Au contraire, vous allez concentrer. Okay? Donc, ça, il faut être au courant. Donc, il y a des problématiques au niveau des structures osseuses et dentaires. D'ailleurs, quand on a trop de fluor, il y a la fluorose dentaire, comme la fluorose osseuse. Donc, c'est une dent ou un os qui s'effrite comme du sable. OK. Sinon, on va aller vers Joanne ici. Quelles sont les raisons pour lesquelles les citoyens devraient s'opposer à la fluoration de l'eau? En fait, Dany, je vais t'expliquer pourquoi les citoyens signent la pétition contre la fluoration de l'eau. Qu'est-ce qu'on entend des citoyens qui ont justement de l'information, sont allés chercher l'information? La première chose que les gens nous disent, c'est une question de coût. On le sait, hein? Tout est en austérité. Oui, on est dans un contexte. Pourquoi dépenser pour ajouter des produits dans l'eau? Tout à fait. Alors, dans le contexte actuel que l'on vit, dans un contexte d'austérité où on coupe partout. Partout. On coupe, par exemple, dans la santé et dans l'éducation. On sait que la fluoration de l'eau va coûter quand même très cher au gouvernement du Québec. Si on décide d'appliquer le programme de santé publique comme ils le veulent, c'est 300 millions de dollars en subvention. Seulement pour Trois-Rivières, la subvention est de 800 000 $ que le ministère de la Santé et Services sociaux va donner à la ville de Trois-Rivières pour moderniser leur équipement en vue de recevoir la fluoration de l'eau potable. Alors, c'est beaucoup d'argent. Cet argent-là, on pourrait le mettre en éducation. On a des services, c'est des services beaucoup plus essentiels à la population. Mais je ne comprends pas qu'au niveau provincial, ça ne réveille pas quelqu'un. Et justement, on coupe partout les libéraux en ce moment. Vas-y, oui. Oui, une chose qui m'étonne, c'est on a parlé des boissons sucrées. Oui. Okay? Et il y a beaucoup d'études qui montrent que ces boissons sucrées sont à l'origine de plusieurs pathologies, notamment l'obésité. Donc là, ce qu'il ferait à travers l'éducation, non seulement il améliorerait directement la santé dentaire, mais en plus de ça, ils amélioreraient la condition de vie de l'individu, la santé de l'individu. Donc il ferait d'une pierre deux coups. Tout à fait. Ce que Christian dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Puis c'est ce que les citoyens disent, c'est qu'on a d'autres alternatives à la fluoration de l'eau potable en agissant plus en amont, en prévention, par exemple, au niveau de la consommation des sucres, l'hygiène dentaire, bien un bon brossage des dents. Alors, oui, les citoyens nous disent ça nous coûte cher. C'est un gaspillage de nos fonds publics parce que vous savez que l'eau qui est bue, ça représente seulement 1% de notre consommation. 99% de l'eau fluorée va être rejetée dans l'environnement. Donc, c'est vraiment un gaspillage de nos fonds publics avec tous les impacts que ça peut avoir aussi dans l'environnement. Dans l'environnement, c'est ce que je me disais. Exactement. Il va y avoir des impacts avec le temps aussi. Il y a une chose à propos, si je peux me permettre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, premièrement, le fluor, c'est un produit toxique et dangereux. Okay? Et donc, si on veut le garder, il faut des normes de sécurité extrêmement importantes. Par contre, si on le répand partout, ben, il n'y a plus besoin d'avoir des normes de sécurité. Ben non. C'est une façon d'éliminer. Je vous donne un exemple de cette manière de faire. Donc, c'est le phénomène, c'est la politique de dilution. Je vous donne un exemple. En France, il y avait la Normandie qui, je ne sais pas si vous avez entendu parler, des algues vertes qui sont sur les plages, qui tuent même des animaux. C'est ça, par exemple. C'est surtout des algues aussi qui sont en prolifération. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tout ça, c'était dû à cause des quantités d'azote qui provenaient des engrais et tout ça. Non seulement des engrais, mais des différentes fientes des animaux qui étaient élevées. Et donc, ça allait dans les eaux, et puis ça se retrouvait sur les plages, il y avait une pullulation de ces végétaux. Et donc, ils ont essayé, en quelque sorte, d'assainir les eaux, notamment pour faire de l'eau potable, mais ils ne sont pas parvenus. Les stations d'épuration étaient insuffisantes. Par contre, on savait que, par exemple, dans le nord-est de la France, il y avait des eaux plus pures, hein, moins d'agriculture, etc., plus de forêts. Donc, les eaux étaient tout à fait potables, adéquates. Et donc là, au lieu d'investir de l'argent pour assainir l'eau de Normandie, qu'est-ce qu'on a fait ? On a construit des grands aqueducs pour mélanger les eaux, de telle manière que, oui, l'eau en Normandie était plus potable à boire, mais par contre, dans le nord-est de la France, eh bien, ils avaient une eau qui était de moins en moins saine. Et on dilue le problème. Là, ce qu'on fait, on essaie de diluer aussi le problème, parce que ça coûte de l'argent, il faut protéger. Là, c'est très évident de répandre sur toute la surface d'un pays ou d'une province ce fluor. Donc, c'est avantageux de ce côté-là. Ouais. Et voilà, c'est une très bonne raison pour éviter de fluorer l'eau potable. D'autres raisons que les citoyens vont mentionner, c'est, puis Christian en a longuement parlé, c'est au niveau de la santé. Je pense que de nombreuses études démontrent qu'effectivement, ça peut entraîner des problèmes de santé. On parle de la glande thyroïde, l'Université Kent, là, les chercheurs de l'Université Kent qui ont démontré qu'il y a un impact sur la glande thyroïde, le fait de boire l'eau fluorée. Alors, ce que les citoyens nous disent, devant autant de controverses au niveau des études, pourquoi pas appliquer le principe de précaution et d'éviter de fluorer notre eau potable. L'autre point de vue qui est très important, c'est au point de vue éthique et légal. On sait que ce produit-là, Christian en parlait, c'est des fluoreux, c'est des produits chimiques qu'on va ajouter à notre eau potable. Des produits chimiques, la provenance est un peu douteuse. C'est pas un produit de qualité pharmaceutique non plus. C'est ce produit-là qui va être ajouté à notre eau potable. Puis il faut surtout dire que ce n'est pas un produit de traitement de l'eau. C'est un produit qui va traiter une population qui a un problème de carie dentaire. Donc, c'est un produit de traitement médical, collectif et coercitif. Et la Cour suprême a été très claire là-dessus concernant ce type de produit qu'on va mettre dans notre eau potable. Alors là, la Cour suprême, c'est contre aussi la Charte des droits et libertés de la personne de nous imposer... On t'oblige un médicament, dans le fond. Puis on ne connaît pas ton état de santé. Mm-hmm. C'est encore pire. Alors, il y a une prescription collective alors qu'on ne connaît pas l'état de santé de la personne qui va boire cette eau-là. N'importe quel, presque n'importe quel tube de dentifrice, on dit de ne pas l'avaler. Exactement. Si c'était bon pour la santé, je pense qu'ils se protègent, ces compagnies-là. Exactement. T'sais, moi, j'invite les gens à aller chercher des dentifrices sans fluor, mais quand même, plupart des gens ont des dentifrices avec fluor, puis ils disent de ne pas l'avaler, puis les enfants ne devraient pas. Les rince-bouches. Sous la surveillance des enfants, les rince-bouches, c'est la même chose. Comme le disait Christian, là, c'est le phénomène de dilution. Oui. Et on nous dit que la dose est faible, mais ce qu'on ne dit pas, par contre, c'est que ces deux éléments qui sont abordés dans des mémoires présentées au gouvernement, la dose thérapeutique et la dose légale sont très rapprochés, et en plus, c'est biocumulatif. Mm-hmm. Donc, je déduis là, de l'exposé de Christian qu'à la longue, c'est à la longue que ça peut se produire là, les ennuis. Puis de l'eau, on en boit tous les jours. Là. C'est ça. Yes. Et des personnes en boivent plus que d'autres. Mais là, je laisse continuer. Oui, Joanne. Tout à fait. Mais effectivement, je pense que là, on parle de la dose et tout ça. Il y a beaucoup de... On a beaucoup de questionnements par rapport à la fluoration de l'eau potable. Il y a une chose, si vous pouvez me permettre. Les industriels, ceux qui font la bière. Oui, exactement. La bière. Il faut savoir pourquoi la bière aurait un... Les brasseurs auraient un problème. Et ils auraient un problème. Pourquoi ? Parce qu'ils savent, et les scientifiques, les biologistes nous l'ont dit, quand on met du fluor, on empêche la levure de croître. C'est normal, ça inhibe les enzymes. Et donc, sans levure, sans saccharomyces cerevisiae, c'est la levure de boulanger, là, pas de bière. Hein. Donc, si on ne sait pas faire de bière, ils vont avoir un manque à gagner, c'est sûr. Donc, ils ont eux-mêmes, il faut penser à l'industrie, qu'il y a des risques à fluorer l'eau. Hein, tout à fait. Et ça va leur coûter plus cher d'avoir une eau qui est relativement saine pour la croissance de la bactérie. Je parle un autre exemple. Dans les refroidisseurs, donc maintenant on arrive à l'été, il va faire chaud. Oui. Donc on a des énormes refroidisseurs de bâtiments. Mm-hmm. Okay. Là encore, on s'aperçoit qu'on va, à travers donc, les refroidisseurs, on va concentrer le fluor. Mais comme il est très électronégatif, il détruit certains éléments de ces refroidisseurs. Et donc là, on ne pense pas à ça. Okay. Donc je pense qu'il serait intéressant qu'on étudie ça, et c'est connu déjà, c'était publié, mais qu'on se rende compte et qu'on comptabilise les manques à gagner qu'on va avoir. Oui, c'est des coûts partout, là, l'entretien de ces trucs-là. Même vous disiez la bière, il y a plusieurs microbrasseries dans le coin. Exact. Même les gens, c'est con, mais de la soupe, tu sais, tantôt vous disiez, quand tu fais bouillir, ben, ça va encore se concentrer. Ouais. C'est toujours dans tout, dans tous les domaines. Ouais. Je comprends pas, en tout cas. C'est ça. Il y a une incompréhension totale là-dessus. Vous pouvez continuer, d'ailleurs, madame. D'ailleurs, je pourrais terminer là, oui. sur l'élément. On a Dr. Philippe Blais qui nous a écrit une lettre comme quoi que ça contrevient aussi au code de déontologie des médecins du Québec. Il y a entre autres trois articles du Code de déontologie où on n'a pas le droit de prescrire collectivement sans connaître l'état de santé. Donc, les médecins ne sont pas tous d'accord avec la fluoration. Finalement, c'est toute la notion d'acceptabilité sociale dont on parle aussi. Là, il y a 8500. Robert, tout à l'heure, disait qu'il faut multiplier par 10 le nombre de personnes qui seraient contre la fluoration. C'était une recommandation de la commission parlementaire d'avril 2013 où les commissaires ont dit aller valider l'acceptabilité sociale avant d'instaurer une telle mesure, ce qu'ils n'ont jamais fait à Trois-Rivières. D'ailleurs, on a rencontré Dr. Isabelle Goupil-Sourmani, directrice de santé publique, qui nous a avoué un rendez-vous manqué. Alors, nous, on s'est dit, bien, écoutez, ça fait presque un an, bien, un peu plus d'un an là, qu'on est avec la pétition. Mm-hmm. Alors, nous, on est allés faire la job qu'il n'a pas été fait à Trois-Rivières, de consulter les gens et de signer une pétition contre la fluoration. Alors, pour toutes ces raisons-là, je pense que les citoyens, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, mais que la fluoration, c'est pas bon à tous les niveaux. Puis en même temps, bien, il y a d'autres alternatives qui sont beaucoup plus acceptables socialement que de mettre ce produit-là dans notre eau potable. Est-ce que vous savez encore combien de villes font ce programme? C'est plus beaucoup au Québec. Non, hein? Il y a moins que 3 % des municipalités au Québec qui fluorent son eau potable. Il en reste 5. C'est des villes intelligentes, en général, qui enlèvent le fluor de l'eau. Oui, exactement. Puis c'est vraiment une tendance mondiale. Hein. On dit au Québec que on abolit présentement la fluoration de l'eau, mais c'est une tendance canadienne. On a à Vancouver, Prince-George, plusieurs municipalités qui ont décidé de cesser la fluoration. Aux États-Unis, pour niveau mondial, ça s'en va vraiment à la baisse. Alors, pourquoi à Trois-Rivières, on continue à aller à contresens alors que c'est clair que mondialement, on n'en veut pas de ce produit-là dans notre eau? Contresens qui est un non-sens. J'aimerais compléter, tu as mentionné Prince-Georges, Johan. Prince-Georges a cessé la fluoration. Et c'était, en Colombie-Britannique, la ville qui fluorait depuis le plus longtemps. OK. Et un rapport qui a été fait il y a environ 2 ans, qui est sorti, indique que c'est aussi la ville de Colombie-Britannique qui a le plus haut taux de carie. Alors, il y a certainement des intrants là, dans le phénomène de la fluoration, Prince-Georges, dont il faut tenir compte, autre que la fluoration ou la non-fluoration. J'aimerais indiquer aussi, concernant la légalité, en plus des éléments que Joanne a mentionnés, il y a le mémoire de la ville d'Amqui. L'annexe 2 de ce mémoire-là révèle quelques dizaines, je crois que c'est 56 éléments juridico-légaux qui sont soulevés par la fluoration. C'est pas rien, là. C'est des éléments qui sont à la fois nationaux, provinciaux, internationaux. Et il y a également M. James Robert Deal qui a présenté un mémoire. Lui, il est président, je ne me souviens pas du nom de l'association, ce sont des scientifiques et des avocats qui travaillent sur la fluoration et qui dit clairement dans son mémoire que les produits fluorés qui nous sont fournis au Québec ne répondent pas aux normes légale québécoise. Alors, il y a beaucoup d'éléments juridiques, légaux, éthiques, dont on doit tenir compte avant de continuer ce programme-là. Et justement, M. Duchesne, quelle action on peut faire pour contrer la floration puis appuyer justement la coalition pour une autre SN à Trois-Rivières? Ce que les citoyens en général peuvent faire, d'abord, on leur suggère de consulter notre site, cets.org. Il y a aussi un Facebook et un Twitter, et là-dessus, les gens vont trouver un tas d'informations, de références et de liens pour aller plus loin. Et on les invite évidemment à signer la pétition. La pétition a été acceptée jusqu'à présent dans plus d'une soixantaine de commerces et associations. Sur le site de la CTETS, on trouve une liste des commerçants qui ont accepté de figurer sur le site. Seulement dans le coin de l'université, il y en a ici à l'université, la petite coop, là, oui. Qui n'est pas si petite que ça. Il y en a au Gambrinus. Hein, beaucoup d'étudiants vont au Gambrinus. Il y en a chez Modoc. Le temps d'une pinte, sont-tu avec en ce moment? Oui. Le temps d'une pinte a aussi la pétition, le Zénob. C'est des commanditaires ici. C'est des commanditaires, oui, bon. Et il y a également Modoc, Imprimatech, Botane, Toile d'or. Il y a énormément de commerces qui tiennent la pétition. Et sur notre site, on peut aussi imprimer la pétition et la faire circuler parmi nos proches. Autour de nous. Ensuite, on nous contacte, il y a des numéros de téléphone, adresse courriel, pour qu'on aille la chercher. Mais surtout, bien dire aux gens de mettre à la fois le nom en lettres moulées, l'adresse et la signature, pour confirmer vraiment qu'ils sont un individu et non pas une identité... et on conseille aussi aux gens, on recommande aux gens de contacter leurs conseillers et de district de Trois-Rivières et les trois députés provinciaux de la région. Les noms et les coordonnées sont aussi sur le site. Alors, un petit courriel, un appel, une lettre, ça peut aider beaucoup. Ils sont sensibles à ça. Et il y a le site aussi, la Commission de révision permanente des programmes, le CRPP. On va mettre, là ce sera long de donner le lien ici, on va mettre le lien qui est déjà d'ailleurs sur le site. On peut présenter un commentaire là, qui demande au gouvernement de ne pas gaspiller cet argent-là, donc de couper à cet endroit-là plutôt que dans d'autres endroits. Il me semble que l'argument économique, en ce moment, là, on ne peut rien contre. Mettons que tout le reste, qu'on fait fi de ça, écoutez, on peut pas l'oublier. Ils ont coupé 1,4 million au cégep de Trois-Rivières ces dernières années. Et on veut mettre plus de 800 000 $ pour en envoyer 99% à l'égout. Exactement. Alors, il y a quoi qui est complètement insensé là. Complètement. On peut aussi adresser une lettre d'opinion au Nouvelliste, à l'Hebdo Journal, sur différents sites comme ça. Une lettre d'opinion, ça, ça compte pour beaucoup. Il y en a eu beaucoup depuis une couple d'années, des lettres qui se posaient. Et on peut demander, on peut offrir, c'est-à-dire à la CTETS par le site, les services aussi ont fait du porte-à-porte. On a besoin de bénévoles pour faire le porte-à-porte, différentes fonctions. Et enfin, c'est d'informer, de conscientiser nos proches, de leur donner les liens, de leur donner de l'information. Une bribe d'information, c'est une semence qui éveille la conscience des gens face Exactement. À ce phénomène-là. C'est en fait ce qu'on essaie de faire partout dans nos familles, je pense. Non, mais en fait, vous faites très bien. Vous informez la population. Et la population, quand elle est informée, elle peut prendre des décisions. Oui, je veux ou non, je veux pas. Mais avant de prendre une position, il faut être en connaissance de cause. Exactement. Si on ne sait pas, on ne peut pas s'opposer à quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein. Ça me permet-tu de compléter quelque chose? Vous pouvez, monsieur, certain. On peut encore prendre un peu de temps, il n'y a pas de problème. Concernant l'acceptabilité sociale et donc l'information et la consultation auprès des gens... c'est assez particulier et il faut vraiment démêler ça. Depuis le début du programme de la fluoration, alors que dans les documents de promotion, il était bien dit que l'acceptabilité sociale était l'élément fondamental, incontournable, c'est l'élément qui a été totalement ignoré par les promoteurs de la fluoration. Je vous cite par exemple le maire Lévesque de Trois-Rivières à qui on a offert... de profiter des élections municipales pour faire une consultation. Ça ne coûte pas cher, ça t'ajoute une question. Exact. Et tu la comptabilises. Hein. Il y aurait eu un éventail de population très représentatif. Il a refusé catégoriquement. La direction de santé publique n'a fait aucune consultation de la population jusqu'à présent. Par contre, il faut dire une chose, on a des contacts avec la DSP, là. On a eu deux rencontres de dialogue. il y a une certaine ouverture. La directrice de santé publique, la direction de santé publique souhaite consulter la population. Nous, ce qu'on trouve, c'est qu'après 2 ans et après près de 9000 signatures, il est un peu tard pour le faire. Mm-hmm. Hein? Et il y a le ministère de la Santé qui a fait une consultation bidon en 2013 suite à une pétition de 4000 Québécois. Mm-hmm. Une consultation bidon qui devait vraiment faire le point là-dessus. Monsieur Linard a présenté un mémoire, là. Sur 31 mémoires, 27 étaient contre la fluoration. Les 4 qui étaient pour étaient du ministère de la Santé et d'organismes qui relèvent de lui directement ou indirectement. Parmi ces 27 mémoires-là, il y en a 13 notamment qui figurent sur notre site, qui sont faits par des scientifiques, des médecins, des avocats, des gens là, dont la formation et l'expertise n'ont rien à envier à celle des promoteurs mm-hmm. de la fluoration. Ça a été écarté du revers de la main par le gouvernement. C'est insensé, c'est incompréhensible. Alors, c'est pas pour rien que les gens posent des questions. Lorsqu'on nous traite parfois, on sait qui, lorsqu'on nous traite d'extrémistes, de démagogues et même de criminels, de mm-hmm. dire que les choses sont illégales, que la fluoration est illégale et toxique, la CTETS n'invente rien. La CTETS relaie aux citoyens des informations qui existent déjà, dont le contenu de ces 13 mémoires-là. Mm-hmm. Alors, il faut que les gens prennent conscience, tout comme nous d'ailleurs, les citoyens doivent prendre conscience que la situation est totalement ambiguë et qu'avant d'aller plus loin que le programme de fluoration, on doit clarifier ces choses-là. Les citoyens ne sont ni criminels, ni extrémistes, ni démagogues. Les citoyens veulent savoir, ont le droit de savoir, et ils sont les principaux intéressés, les bailleurs de fonds de la mesure, et les bénéficiaires potentiels, bénéficiaires entre guillemets, mm-hmm. et ces gens-là qu'on a écartés du revers de la main complètement depuis le début du programme. Bien, moi, ma dernière... Oui, un instant, mais ma dernière question, ce serait... Bien, je vais vous laisser aller, vas-y. Oui, non, une chose qui est importante de dire, ce que je vous ai dit à propos du fluor dans l'eau, ça ne vient pas de moi. C'est à travers la littérature scientifique. Donc, je fais simplement que la lire, la rassembler et puis la divulguer. Donc, je n'ai pas inventé ça. C'est un compte rendu, finalement. C'est un compte rendu. Tout simplement. Puis moi, la question, comme j'ai dit tantôt, c'est à qui ça apporte quoi? Veut absolument là, nous le mettre dans la bouche, mais pas dans la bouche. Si c'était juste dans la bouche, c'est que c'est dans notre corps. Là, c'est que c'est pas à l'externe, comme vous disiez, c'est pas topique. Là. On l'avale, cette eau-là. Ouais. Eh bien, ça apporte à qui? Justement, mettons, à M. Lévesque, ça y apporte quoi? Ben 800 000 $ en subvention pour moderniser son équipement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je pense que les études datent de 5 ans, 60, 70 ans. Aujourd'hui, on a des études beaucoup plus actuelles mm-hmm. qui nous font prendre conscience qu'il y a des dangers potentiel à notre santé, à l'environnement. Donc, les citoyens, maintenant, on est capable d'aller chercher l'information, de se faire une tête. À qui ça profite? C'est une très bonne question, parce que c'est la question qu'on se pose depuis le début. Y a-t-il quelqu'un, des lobbyistes à quelque part, qui veulent se faire de l'argent avec ça? Moi, j'aime mieux pas penser à ça. Je me dis, à quelque part, on va comprendre que la fluoration, c'est pas bon, puis on va l'abolir tout simplement. Parce que si on regarde dans les années 50, on faisait des pubs pour de l'uranium dans le visage ou des produits de beauté comme ça. Mais on a compris que c'était pas bon. Et il me semble qu'il faudrait que justement ces études, les nouvelles études puis les trucs qui sont à jour, c'est ça qui devrait prendre place, pas des vieilles études des années... On sait que le fluor est un produit qui est utilisé aussi dans les alumineries, à partir de la bauxite pour faire l'aluminium. Donc, il se peut qu'à un certain moment, ils aient tellement de fluor qu'ils ne savent plus quoi en faire. Mais je ne connais pas, parce que ça, il n'y a rien de publié. C'est une supposition, c'est spéculatif. Actuellement, ça vient surtout des engrais. Des engrais aussi. Donc, c'est l'industrie. C'est sûr que, je vous ai dit, le fluor est tellement électronégatif qu'il faut des contenants spéciaux pour le contenir. Et puis, comme tout produit toxique, pour l'évacuer, ça coûte très cher. Mm-hmm. Donc, le phénomène de dilution, c'est parfait, puisque vous en mettez partout, et puis... C'est la population qui l'avale. Puis on le met dans l'environnement. Puis l'environnement, oui, exactement. Okay, donc, parce que ça coûte cher une fois qu'on a des quantités... De traiter ces déchets-là, finalement. Oui, ou de l'évacuer, ou bien... C'est parce ça. Que de toute façon, quand on les a, on ne sait pas les rediluer. Donc, ce qu'il faut, c'est les garder, et puis les concentrer, et puis les garder à... Donc, ça coûte cher, sur... ça. Oui, ça coûte cher. C'est quand même un peu les déchets nucléaires. Mm-hmm. Quand vous l'avez, vous avez une possibilité, c'est de répandre partout, hein, mettre tout augmente un peu de la radioactivité, ou bien c'est le contenir et attendre que la radioactivité finisse par baisser. Le problème avec le fluor, ça diminue jamais. Ok, donc... Des belles nouvelles. C'est intéressant. Oui. Donc, c'est un peu ça. Puis je me rappelle de vous avoir jasé aussi, M. Linard, puis c'était un peu ça la question, puis le point d'interrogation qui m'a resté au-dessus de la tête, c'était... OK, on dirait que ça ressemble à ça, en tout cas. Le lobbying fait qu'on dirait qu'on veut se débarrasser d'une certaine quantité de déchets, puis on veut le mettre dans le corps de la population, puis dans l'environnement de cette population. Oui, est-ce que j'ai encore Duchesne? Deux minutes? Bon, oui, on prend peut y temps. Aller. Bon, oui. C'est qu'il y a un aspect qui est absolument incontournable, et dans nos rencontres avec la Direction de santé publique, la CTETS demande prioritairement de clarifier ces choses-là. C'est ça. Tout ce qui est légal. La définition, le statut des produits utilisés et la définition même de la mesure de fluoration. Les citoyens font face à toutes sortes d'instances qui se renvoient la balle. Santé Canada dit que c'est un traitement de l'eau. Ce n'est pas un traitement de l'eau. La Cour suprême dit que c'est un traitement médical. D'autres disent que c'est un nutriment. Un nutriment. Comme traitement médical, il devrait y avoir des études cliniques et toxicologiques. Une dame qui s'appelle Joanne David d'Alberta, en 2014, demande par la Commission d'accès à l'information à Santé Canada de lui présenter les études cliniques et toxicologiques en sa possession. Aucune. La réponse est malgré une recherche approfondie, nous n'avons trouvé aucun document qui réponde à votre requête. Santé Canada dit que c'est au fournisseur de faire ces études-là. Le fournisseur dit que c'est à Santé Canada. Il n'y a aucune étude. Et un des mémoires, je crois que c'est... j'oublie son nom, excusez, mais un des mémoires présentés au gouvernement recommande au gouvernement, avant d'aller plus loin avec la fluoration, d'exiger les études toxicologiques et cliniques. Alors, les citoyens, et là, je pourrais en mettre encore pendant 5 minutes, mm-hmm. Les citoyens se retrouvent devant cette espèce de ce que j'appelle la maison qui rend fou d'Astérix. Mm-hmm. Hein. Tu sais, le gars se promène d'un étage à l'autre, d'une porte à l'autre, il ne trouve jamais la réponse. Il faut clarifier ces choses-là. C'est anormal qu'on utilise le réseau d'eau publique, d'eau potable, pour imposer à toute la population un traitement médical. C'est anormal, c'est inadmissible et c'est inquiétant. Tout à fait inquiétant. Monsieur Linard, quel type de fluor on mettrait dans l'eau ici, justement? Est-ce que c'est un fluor qui est... Oui, si on veut avoir une qualité pharmaceutique, je dirais on pourrait mettre un fluor très noble, le fluoreux de sodium. OK. Ça, c'est un peu comme l'iodure de sodium, mais ce n'est pas celui-là qu'on va mettre. C'est, c'est l'acide hexafluorosilicique. C'est ça, hexafluorosilicique. Donc, c'est un autre produit. Là encore, il faut connaître la provenance. Pas les provenances. Et puis, une chose qu'on pourrait se poser comme question, comment ça se fait que, bon, Trois-Rivières fluorait l'eau, et tout d'un coup, c'est tombé en panne? Pourquoi c'est tombé en panne? Est-ce que c'est justement toute installation qui a été en quelque sorte érodée par le fluor? Grugée d'une certaine façon. Là. Donc, si ça a grugé tout le matériel, et d'ailleurs ceux qui l'ont fait, ont dit que les bâtiments étaient fortement détériorés justement à cause du fluor. Donc, L'usine de traitement des eaux, oui, genre là? Oui, donc, si c'était quelque chose d'inoffensif et anodin, ça ne grugerait pas, alors que là, il faut une protection très importante de la part de l'individu qui le met. Donc, d'ailleurs, sur le produit, de toute façon, sur ce sel, il est toujours marqué que c'est un produit toxique. Exact. Toxique et corrosif. Et corrosif, oui, parce que c'est... Et je ne peux pas comprendre quelque chose de toxique et corrosif. On va se mettre ça. Même si c'était juste ses dents, c'est corrosif, c'est pas supposé être très bon. C'est ça. Ah, en tout cas, sur ces paroles si positives, ben, je vais vous remercier. Merci. Monsieur Christian Linard, Joann Hamel et Robert Duchesne. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et puis, je ne sais pas quoi d'autre vous dire. On va essayer, en tout cas. Garder espoir. On va garder espoir. Puis, si vous avez des messages ou des trucs qu'on peut passer sur notre page à nous aussi, ben, ou si vous avez des rencontres citoyennes ou des manifestations quelconques, ben, vous êtes bienvenus. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Merci, Denis. Merci de ton ouverture.